Section 5 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e. Section 5. Épiphanie par José Maria de Heredia. Exe magi ab oriente venerunt. Saint Matthieu. Donc Balthazar, Melchior et Gaspard, les rois mages, chargés de nefs d'argent, de vermeil et d'émaux, et suivis d'un très long cortège de chameaux, s'avancent tels qu'ils sont dans les vieilles images. De l'Orient lointain, ils portent leurs hommages aux pieds du Fils de Dieu, né pour guérir les maux, que souffrent ici-bas l'homme et les animaux. Un page noir soutient leurs robes à ramages. Sur le seuil de l'étable où veille Saint-Joseph, ils ôtent humblement la couronne du chef pour saluer l'enfant qui rit et les admire. C'est ainsi qu'autrefois, sous Augustus César, sont venus, présentant l'or, l'encens et la myrrhe, les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Fin de la section 5.